Et tous les frères de mon ghetto crient oh. Les Horoto et les Horota crient oh. Mambara et les Souliké crient oh. Diarishka ou les Transpec crient ouh. Au Black Park, j'vous lâche pour la merde. J'suis venu vous la mettre, on fait avec. Vous en c'est dur, trouver du taf avec la boule à Z. Pour un bête, c'est la S, faut que je retourne au bled. Laissez-moi planter ma tête, je m'en survêt plein de boulettes. Au plus vite que les balles, où danse le flamenco. Ma tête de bâtard ne passera jamais sur Hit & Co. C'est Gin & Juice, Beef & Co. Plus stand up, non, plus and love. On y va crescendo. Biatch, comme cette meuf qui s'appelle Natacha. Un jour, on lit sous foncé, elle crie à défonce-moi la chute. Thriller, pour tous mes tirailleurs. Qui rêvait de vivre ailleurs, mais dos au mur, face au fusil mitrailleur. Oh, on fait avec gros, c'est ghetto, ghetto, ghetto. Bab se bat d'Adi à Keto. Pour nous crever, fausse le veto. Magneto, Serge, on sort les scies. À Meto, à ripper vos holsters. Yeah. Toujours dans le temps, dans le temps. J'fabrique son gros son. J'attire les frères au front. J'dénonce les conditions. Quoi, c'est la franchise. Bab se dit à Keto. On fait avec la vengeance. Regarde ton rétro. Toujours dans le temps, j'fabrique son gros son. J'attire les frères au front, j'dénonce les conditions. Quoi, c'est la franchise, Pap Daddy à Keto. On fait avec la vengeance, regarde ton rétro. J'peux faire avec des épreuves que la vie m'impose. Marie m'arrose, la prod, ça kick sa pose. T'as pris ta sauce, mon équipe donne sa propre. Le jeune fanatique veut sa dose, faut qu'on lui donne sa drogue. Plus tant que plonger, j'étais en pause, mais tout en sort, ça robe. Le venin sort, ma glotte, c'est le chant de la haine, une sale ordure. Sorti dans la peine, tu te coupes la bite en petite lamelle. La quête, le mec qui te la met, tu dis de la merde, moi je kick à la bélec. Bah, j'moussis la sélecta, chérie la sélecta. Inquiète au mic, inquiète au max, inquiète, relax, inquiète, relax. Les verres, trop mat, les frères, trop bat. Faut faire avec mes gars, mes go, mate la putain d'énergie qu'on dégage. Toujours dans le temps, j'fabrique son gros son. J'attire les frères au front, j'dénonce les conditions. Quoi, c'est la franchise, Pop Daddy à Keto. On fait avec la vengeance, regarde ton rétro. Toujours dans le temps, j'fabrique son gros son. J'attire les frères au front, j'dénonce les conditions. Quoi, c'est la franchise, Pop Daddy à Keto. On fait avec la vengeance, regarde ton rétro. Le mépris, le racisme, pourvu faut faire avec. J'm'en rebelle par le son. Que quelques frères affrètent pour tenir supporter ça. Faut avoir la fuite, en attendant fais voir le fric. Si t'as la trique quand j'prends mon bic, ne pense pas loin de là. Je vais m'arrêter là, le désespoir, ce trou noir. Pour certains à déconner, d'autres les ailes encore brûlées. Cherche toujours à décoller, j'te promets je vais t'en parler. Et c'est pas pour déconner ou racoler sur ça. Pour toucher le sommet, ma gueule, faut faire avec. En plus j'ai pas d'autre recueil, si ce n'est le sourire, l'attente qu'un père recueille. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il se fasse, tu peux me soupçonner. Ne mélange pas quand t'entends de la soupçonner. Cette vérité balisée, calibrée, qu'on a su donner. Cette réussite immigrée, comme ce qu'il y a sous ton nez. Affamé à cerveau, c'est vite pour des soupçonner, gros. Toujours dans le ton, j'fabrique son gros son. J'attire les frères au front, j'dénonce les conditions. Quoi, c'est la franchise, Pop Daddy à Keto. On fait avec la vengeance, regarde ton rétro. Toujours dans le ton, j'fabrique son gros son. J'attire les frères au front, j'dénonce les conditions. Quoi, c'est la franchise, Pop Daddy à Keto. On fait avec la vengeance, regarde ton rétro. Toujours dans le ton, j'fabrique son gros son.